Ok, ok, c'est le trafic de stéréotypes. Trafic de stéréotypes. Trafic de stéréotypes. Pour tous les bonhommes qu'on pêche aux polices. T'inquiète, ma gueule, la vraie version. Elle arrive bientôt, poteau. Erreur technique, ça arrive. Ils veulent pas entendre nos vérités. Alors on donne c'est du trafic. Connard du ciel, t'as comme un porc. Les qui vont peut-être embarquer un plasma tombé d'un smear morph ou financé par la cam. Ouais, négro, on le sait, je suis un ouf. Ouais, je fais des aisselles, je rappe la violence gratuite. C'est mon fond de commerce. Dans les deux secondes, tu bouges pas en tant que cul. Come on, critique mon flow et laisse mes stéréotypes officiels, bolos. C'est quoi respirer? Je me servirai pas de vos problèmes pour doper mon audimat. Eh, hey, je suis pas de la rue, y'a faune. Je suis un carlouche un petit peu à part. Moi, chante la Marseillaise un quart d'heure avant la fin de la jarre. Emmanuel Chien, baiser mon image, puis c'est cassé à canal. Salarié au voyou, je vais assumer mes straps, je puisse à l'arrêt. Ironie du sort, plus je raconte de la merde, plus ceux qui me ressemblent bougent la tête. Quand je dis que je perds un frère, brutalement, les femmes donnent des 13 dollars à leur petit blond. Pour mon street, j'vais gros receler des gros steads de Z avec 2-3 piges en moins sur les faves, un bien-être dans la bulle d'alcool. Les Vermont, les Aztecs, les va-et-vient au Heps. Tu connais la famille, je vais partager mes points d'artiste avec des clichés à la con. On va faire avec, faire de l'engrais avec la merde. Je vais raconter ma life, le terre-terre de matraquage. La dalle du camp des barbares, vous me licenciez, c'est pas grave. Je vais faire un yébi, agréer mes sentiments distingués. Bande de fils de pute. Le prochain arabe, sur écoute, sera Jamel. Il a des sous, il croit en Allah. Merde, cousin, me fliquer, ça n'empêchera pas qu'il y ait du sperme d'un curé sur un visage juvénile. Me blairer, ils peuvent pas, car je vais pas pleurer. Je garde mes idées en place, pense en accéléré. Tchèque, on est hal, ils ont mes empreintes. C'est ma capuche qui baisse ma présomption d'innocence. Gros, pas, je vais traîner la caissière de la FNAC par son brushing parce qu'elle picrape ma colère à ton petit ref. Sache, dès le départ, c'était pas des magos. Musicast, va retirer ton skate des bacs. Croise-moi dans un Golf 4 volé. Soir ce, avec des dealers de shit devant la Champions League. Gros, tête de Z avec 2-3 piges en moins sur les faves, un bien-être dans la bulle d'alcool. Les Vermont, les Aztecs, les va-et-vient au Heps. Tu connais la famille, je vais partager mes points d'artiste avec des clichés à la con. On va faire avec, faire de l'engrais avec la merde. Je vais raconter ma life, le terre-terre de matraquage. La dalle du camp des barbares. Je vais trop receler des gros steads de Z avec 2-3 piges en moins sur les faves, un bien-être dans la bulle d'alcool. Les Vermont, les Aztecs, les va-et-vient au Heps. Tu connais la famille, je vais partager mes points d'artiste avec des clichés à la con. On va faire avec, faire de l'engrais avec la merde. Je vais raconter ma life, le terre-terre de soul. Matraquage. La dalle du camp des barbares. Méto, pour une poignée de dollars, tu fais quoi? Tu es au charbon, tu rappes pour une poignée de dollars, connard.